Waouh ! C'était trop bien ! Ouais, qu'est-ce que tu veux écouter maintenant ? Du métal ? Non, plutôt du jazz. Oh, bonne idée ! Mais y a pas de groupe de jazz ici. Excusez-moi, vous savez où on peut écouter du jazz ? Ouais, il y a un groupe excellent en place des Vosges. C'est par là.